Putain, 9 ans. Comme dans les guignols de l'info. 9 ans de talent d'ici pour arriver à recevoir pour la troisième fois Louisville. Bonjour Louis. Ben, bonjour, bonjour. Il est de plus en plus frais, de plus en plus beau. Et ouais, j'ai des secrets de beauté, mais ouais, ça je ne les révélerai pas parce qu'on n'est pas là pour ça. Exactement. Est-ce qu'on peut découvrir dans d'autres podcasts les émissions de Louisville pour ceux qui le veulent? Oui, on va les retrouver. Ça, c'est pour ceux qui veulent un petit peu retrouver l'émotion du passé dans l'émission. Louisville qui sort ou qui vient de sortir un EP il y a quelques semaines, avant l'été, c'est ça? Oui, juste avant l'été, oui, exact. EP avec quoi, 5-6 titres? 6 titres. 6 titres, mmh. C'est assez rare, hein, d'habitude c'est 5 à peu près. Oui, bon, non, mais là aujourd'hui, enfin cette fois-ci j'ai eu envie de changer, puis j'avais des choses à dire, donc 6 titres c'est bien. Qu'est-ce que vous aviez à dire, Louis? J'ai toujours des choses à dire, et puis on vous écoute? Ben, au travers de mes chansons, oui, autrement la plupart du temps s'en fout de ce que je peux dire, mais ça c'est pas un souci. Moi, à la limite, voilà, c'est le support que j'ai trouvé pour m'exprimer. Mais c'est déjà pas mal, hein. Et quel est le rapport entre l'EP sorti avant l'été et l'album qui va sortir à la rentrée? Eh bien, déjà, il y aura d'autres titres en plus, et puis il y aura des titres remaniés. Parce qu'en fin de compte, j'aime pas rester figé sur des arrangements bien précis. À partir du moment où j'ai des idées qui foisonnent et qui fourmillent dans ma tête, bah j'y vais. Je m'essaye d'autres choses, parce qu'en fin de compte, je risque rien. Je mets pas ma vie en danger. Bah, non, non. Mais est-ce que depuis le mariage, vous avez plus d'idées? Plus quel mariage? Avec la vie. Mais j'ai toujours eu plein d'idées. J'ai toujours un regard. Plus ça va, plus il y en a. Bah, je crois que je recentre les choses. On a plus de passivité. On est moins révolté parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que. On gueule dans son coin, mais où est l'effet, quoi? Où est l'effet? Et par contre, on a un regard beaucoup plus, je pense, beaucoup plus aiguisé. Ou alors, on devient tellement autiste et tellement égoïste qu'on regarde que son nombril. Mais j'ai pas cette impression-là. En ce qui me concerne, j'ai toujours le souci de l'autre et du monde qui m'entoure. Mmh. À tout niveau. Même si j'en parle pas toujours, hein, parce qu'en fin de compte, s'il fallait parler du monde qui m'entoure, je crois que je serais désespérant et que les gens achèteraient mes albums uniquement la veille du suicide, quoi, c'est tout. Ah oui? Ouais, non, c'est pour ça que je. Autant le voler, là. Autant le voler. Ça coûtera moins cher. Ouais, non, mais c'est pour ça que je parle d'autre chose. Je m'inspire du tas de choses, enfin, de l'humain, surtout de l'humain. C'est parce que pour moi, il est le pilier de mon parcours. Parce que moi j'ai noté que vous êtes de plus en plus sur les radios, notamment parisiennes, on vous invite. Vous avez l'occasion déjà de dire ce que vous avez sur le cœur ou pas? Oui, vous savez, c'est très ciblé les interviews. Oui. Je crois que peut-être que ils ont peut-être pas envie que je m'exprime tant que ça. Mais je peux les comprendre, hein. Ils savent pas. Oui, non, mais parce qu'ils ont un poste à garder aussi. Ce que je veux dire, c'est que si on m'interroge sur des sujets de société, sur des personnages publics, et je vais pas non plus dire oh il est tout mignon, c'est tout bien. Si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Donc je préfère qu'on ne m'interroge pas et garder mes opinions pour moi. Les émissions avec Folquier, vous aviez le temps de parler dans ce genre d'émission? Oui, mais on parlait pas vraiment de ça. On parlait de choses très intéressantes. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai rien à dire sur cette façon de driver les interviews parce que c'était super intéressant. Mais c'était drôle, ça. C'était basé sur l'humain. Ouais. C'est vrai que c'était très basé sur l'humain et tout était axé là-dessus, sur le ressenti, sur la signification des chansons et leur rapport à l'humain. Et moi, j'ai pris grand plaisir à faire des émissions avec lui. Et il avait une voix très chaude et ouais, chaleureuse. Oui. Il nous manque parce qu'il est parti il y a quoi? Il y a 10 ans maintenant, peut-être un peu plus. Mais moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est hier, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis des fois, on dit 10 ans et ça fait que 5 ans. Donc Oui. Je sais pas du tout. Enfin, toujours est-il que quand il est parti, que ce soit de France Inter, des Franco, c'était une génération, c'était un mode de fonctionnement, une gestion qui a qui a changé. Après, c'est devenu complètement différent. C'est comme ça, hein, c'est la vie, c'est l'évolution des choses. Et puis, ce serait vraiment être vieux con que de dire c'était mieux avant, même si c'était mieux. Bah oui, c'était mieux. Un monde avec Foulquier, c'est quand même mieux qu'un monde sans Foulquier. Oui, ouais, ouais. L'étoile, c'est quoi l'étoile? Et l'étoile? Ah, ça, c'est un titre que j'ai. Et l'étoile, c'est Brel, ça, non? Moi, monsieur. Oui, pardon, moi, excusez-moi, Louisville, c'est vous l'invité. Brel est mort. Et paix à son âme. Paix à son âme. Oh la vache. Donc l'étoile. Oui, et l'étoile, c'est une chanson que j'ai écrite, je crois, en hommage à mon père, qui est parti peu de temps avant que j'écrive cette chanson-là. Voilà. Mais c'est pas l'art moyen, hein. C'est pas l'art moyen. C'est bien d'avoir gardé son père un certain temps à côté de soi. Moi, je l'ai gardé des années. Bah moi, je suis chanceux. Hein, il est mort à 90 balais. C'est dans l'ordre des choses. Et rares sont les personnes qui peuvent avoir jusqu'à 56 ans pu côtoyer leurs parents. Non, mais c'est ça que je dis. C'est pour ça que j'ai pas vraiment ressenti. Si j'ai ressenti de la tristesse, parce que voilà, c'est une vie qui s'éteint. Mais je le sens toujours présent et je sens toujours. Qui m'accompagne d'une manière comme d'une autre. Louisville avec un EP qui est trouvable, je sais pas si ça se dit, mais c'est un peu lourd. Il est trouvable sur toutes les plateformes de téléchargement, autrement il est en vente au concert, mais là il est pas, cet EP là n'est pas distribué dans la mesure où c'est qu'un EP. D'accord. Mais par contre tout. Il s'appelle Et puis demain et l'album s'appellera Et puis j'en sais rien. Merci. Louisville avec le titre Et l'étoile. David Ménard. J'ai l'impression quand même dans la voix que j'entends un petit peu Foulquier. Moi, c'est une déformation quand même. Oh, non, mais c'est une déformation. C'est une déformation complète. Non, parce qu'à une époque, on disait que vous aviez la voix d'un tel ou d'un tel. Maintenant, quand on entend du Louisville, on sait que c'est Louisville. Et merci. C'est merci, important. Ça fait plaisir parce que j'en ai marre de ces. Ça m'a toujours un peu gonflé, ça. Oui. Alors, au début, on se dit, c'est bien, on appartient à une famille comme ça, mais il n'y a pas de famille. En fin de compte, on est chacun très individuel et on a chacun sa signature sonore, vocale. Et c'est parce que des fois, j'ai la voix cassée, des fois, j'ai la voix grave que je ressemble à un tel ou un tel. Arnaud ou à d'autres. Oui, mais ça toujours. Non, mais justement. Ça, je l'ai entendu. Mais là, merci beaucoup d'avoir dit que c'était ma voix. Et puis, c'est très bien comme ça. Alors là, c'est un EP et c'est un album. Il sort quand l'album ? À l'automne. À l'automne. Mm-hmm. On en saura plus. Si on veut se renseigner, sur Facebook, on va sur quel. Sur Louisville, ou sur Louisville officiel, ou sur Louisville bis, ou alors sur mon site louis-ville.fr. D'accord. Et là, toutes les nouvelles sont annoncées. Quant aux parutions, quant aux sorties, quant aux concerts, il y a vraiment tout. Tout est toujours mis à jour. Qu'est-ce qui vous apporte le fait de faire des musiques de films, de documentaires ? Ça vous ouvre une nouvelle voie intérieure ? Comment ça se passe ? C'est absolument génial. C'est vrai ? Non. Oh ouais, j'adore. Ou c'est que pour l'argent ? Oh non, c'est vrai qu'alimentaire, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Non, c'est vraiment génial. Pour moi, pour ma nourriture. Mmh. Spirituel et intellectuel, musical. Intellectuel, intellectuel. Ouais, c'est pour moi. Oui, c'est bien. Parce que là, je travaille sur commande. C'est-à-dire qu'on m'offre un univers avec un synopsis et à moi d'imaginer l'univers sonore qui va habiller l'histoire. Mmh. C'est un truc de fou, quoi. J'adore ça. J'ai vu qu'il y avait un documentaire sur Hedy Lamarr. Oui. Je crois que c'est elle qui a inventé, je suis pas sûr. Le Wi-Fi. Oui, c'est ça. Elle était comédienne. Oui, mais elle était aussi ingénieuse et talentueuse, très mathématique. Ingénieuse dans le sens ingénieur. Et mathématicienne. Et mathématicienne. Ouais. Dans le sens où elle était le précurseur de cette invention. Ouais, invention de communication. Elle l'a proposé aux armées américaines pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n'en ont pas voulu parce qu'ils trouvaient ça trop. Et puis, en fin de compte, elle a été reconnue comme étant inventrice par la suite. Mais c'est fou, elle était précurseur. Ouais. À elle, ça ne lui a pas apporté grand-chose. Si ce n'est qu'une reconnaissance dans les milieux mathématiques, voilà, mais c'est tout. Mais c'est vrai que, je ne sais pas si ça. Peut-être que ça lui a rapporté un peu de royauté, mais elle n'est pas morte non plus. Puis on en parle en tant que comédienne encore maintenant. Dans une fortune immense, ouais. C'est pas. Je peux pas vous dire si elle a touché des royautés par rapport à ce truc-là. Je sais que le brevet avait été déposé, ça c'est sûr. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il a généré des droits par la suite ? Ça je sais pas. Vous avez dit votre âge il y a quelques instants, je crois. 12 ans. Bientôt 14, mais moi j'ai 12. Alors à 12 ans, quand tout a basculé, vous pensiez que ça basculerait dans ce sens-là ou c'était complètement. Vous étiez seul à avoir l'espoir de faire une carrière avec une voix de plume ou pas ? J'ai toujours été inconscient. C'est-à-dire que j'ai toujours fait les choses, mes choix de vie ont toujours été dictés par. Une sorte d'instinct, non pas du tout une réflexion, parce que je suis pas capable de réfléchir. Par contre, je me suis aperçu, au fil du temps, que j'arrivais à vivre de ce que je crée. Mm-hmm. Et là, je me dis, je remercie le Très-Haut, je sais pas où il est, mais je remercie le Très-Haut de m'avoir offert cette capacité à créer. Parce que j'ai 58 balais maintenant. Et il l'a dit. Il l'a dit, le monsieur. Et ce que je veux dire, c'est que je regarde en arrière, pas par nostalgie, je m'en fous. Hein. Mais il y a eu des galères, mais c'est sûr. Mais tout le monde a des galères, de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que je vis toujours de mon art, de ce que je crée. Oh, et je trouve ça absolument épatant. Moi, je suis heureux. J'ai pas des actions, j'ai pas non plus des villas partout, je m'en fous. Au moins, je vis de mon art. Et ça, mon Dieu, c'est le plus beau des cadeaux. Je reviens sur les documentaires. Est-ce qu'il y en a un dont vous êtes particulièrement fier? Enfin, pas forcément de la façon dont vous l'avez fait, mais du sujet à part. Tous les sujets étaient hyper intéressants. Ceux qu'on m'a, pour lesquels on m'a fait confiance pour l'écriture des musiques étaient super intéressants. Mm-hmm. Le dernier en date, c'est Le Chat qui passe sur Arte. Le Chat, ce tueur si mignon. D'accord. Et je me suis éclaté. Ça passe quand ? Ça s'est passé ? C'est passé, il y a eu pas mal de rediffs, mais je pense que ce sera rediffusé à nouveau de toute peut-être façon. Peut-être sur YouTube ça se trouve. Ou sur Arte TV, le podcast Arte TV, je pense qu'il y a moyen de le trouver, je pense. Mais là aussi c'était hyper intéressant. C'était laborieux parce qu'en fin de compte, c'est une approche très très spécifique, le documentaire animalier, par rapport aux musiques, par rapport aux illustrations sonores et tout ça. Mais c'est très formateur. Et moi, je me suis éclaté. Franchement, j'ai pris mon pied. Je reviens sur YouTube. Il y a une chaîne YouTube qui vous est consacrée. Enfin, en tout cas, il y a des vidéos. Celle où on retrouve Hitler et la guerre de 39-45, c'est quelle chanson ? C'est une chanson qui s'appelle « Dehors ». D'accord. Qui est sortie il y a 50 ans, déjà ? Il y a sur le dernier album, d'accord, qui s'appelait « Le bal des fous ». Voilà. Et comment ça s'est fait ? Là, vous aviez des droits sur les images ? Non, on a travaillé avec un réalisateur, enfin un monteur qui s'appelle Yannick Delay, qui a fait ses recherches d'images libres de droits. Mm-hmm. Donc ça a été quand même un casse-tête, parce que je voulais pas... moi, je génère rien comme rentrée, donc il n'y avait aucune raison que je paye des droits pour des choses. Et si je gagnais des millions, je dis pas, je m'en fous. Moi, c'est une rétribution tout à fait normale. Mais il n'y a rien de généré, il n'y a rien à donner. Quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'un véhicule, l'image. Et à partir du moment où personne ne sucre dessus, voilà, c'est pas plus mal de les faire vivre que de les laisser dans les fonds de tiroir de l'INA ou autre chose. D'ailleurs, il y a un petit message qui dit juste avant, les images ne sont pas à montrer à tout le monde. Enfin, donc... Oui, les images peuvent heurter, oui, parce qu'on se rend compte qu'il y a des images qui heurtent. C'est toute l'humanité qui peut heurter. Il suffit d'ouvrir les yeux, mais on est heurté par l'humanité. Et on est émerveillé par d'autres facettes de cette même humanité. Donc voilà, c'est comme ça. Vous avez une voiture décapotable ou pas ? Bah non. Donc prenez le train. Bah non plus. Et si, je prends assez souvent le train. Et vous croisez des filles dans le train ? Je sais de quoi vous voulez me parler. D'un titre qui s'appelle La fille du train. Voilà. Alors. Juste après, on en parle, on l'écoute. Ouais, ça marche. La fille du train. C'est pas... Regardez dans ce sommeil des maisons qui s'éveillent, elle distingue des ombres, sentinelles à pénombre. Tout est fil ralenti, au rythme du cliquetis, la caméra s'enraye, les images se figent. Elle voit mieux maintenant que la gare l'arrête. Toutes ses silhouettes, ses yeux scrutent, tout l'inquiète. Ses gestes anodins au réveil commun. Elle la gare, la libère, elle est sa caravane. Aurait-elle vu un drap moussé relant d'alcool, on déviait de sa trame, elle se frotte les yeux, elle ne verra pas mieux qui de l'un ou de l'autre est tombé sous le feu, est tombé sous le feu. Et tout ceci la hante, tire le fil de ses jours. Elle flippe, elle s'impatiente, ce soir c'est le retour. Cette vision, ces fantômes, une journée à tonne. Au-dessus de la faune, elle flotte et ça l'étonne. Elle retrouve son tram, s'installe aux premières places. Et les rails l'enlacent, la lie à tous les drames. Soudain son cœur s'emballe, la maison est en flammes. Soudain son cœur se fige sur le sol de Cauchis. Sur le sol de Cauchy. Son cœur lui fait mal, ça frappe fort en son sein. Et sa poitrine explose et son ventre se tord. A-t-elle raison ou tort de se sentir coupable de n'avoir rien dit? Mais elle n'a pas menti. Elle se dit qui ne dit, mon ne dit. Ce n'est pas du déni, c'est juste un oubli. Elle voudrait oublier ça. sa vision du matin, la fille du train, le séduisant train-train. Appeler la police, devenir témoin, ça change du quotidien. Voir sa vie en actrice, mais on a telle envie. Oui, on a telle envie. Elle a une autre idée, elle se voit en privé, trench coat, chapeau rivé, lunettes en verre fumé. Elle arpente les rues, en quête d'un indice, en quête d'une piste sans jamais être vue. Sortir du quotidien, rien ne la lie à demain. Ses amis sont partis avec son ancienne vie, mais l'alcool l'appelle, s'invite à ses envies, s'invite à toutes ses nuits. La fille du train est vide. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Les radios qui diffusent Talent d'ici jusqu'à 2020, après on verra. RCF Lorraine, bien sûr, RDM, RCN, la radio Caraïbe Nancy, RCM, Radio Canal Myrti, Aria à Longwy, à Nancy Fadjet, et un petit nouveau qui vient d'arriver des Vosges du Sud, Radio Guémozo. Voilà pour les radios qui diffusent Talent d'ici, toujours plus nombreux. Ce qu'il faut rappeler, Louis Ville, alors ça s'écrit VI2LE, ça c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas oui. l'existence de ce personnage. Un incontournable des Vosges à la base. Je suis né dans les Vosges, voilà. Ouais. Mais vous n'y êtes pas resté. Oh non. Non, non, non. Oh, non. Ça vient du cœur, ça. Mais non, parce que je vous assure, la grisaille de ce plafond oui. sur les montagnes, et quand on est ado et qu'on a envie de découvrir le monde, elle est oppressante au possible. Bon, on a failli être sponsorisé par les Vosges, mais c'est mais maintenant, je les redécouvre, les Vosges, et je trouve que c'est magnifique. J'ai pas à dire autre chose que c'est une belle région. Tu contribues de temps en temps, effectivement. Ben, c'est pas ça, c'est que quand on y vit adolescent, soit on se. Mais oui, bien j'avais, sûr. J'étais trop curieux de comment, du monde. Et j'avais l'impression que c'était des murs de prison, ces trucs-là. Plus le ciel qui, des fois, reste peu, enfin, peut-être plus maintenant avec le réchauffement climatique, mais à l'époque, on pouvait rester 3 semaines, 1 mois avec une chape de comment, un plafond de gris comme ça, de grisaille. C'était déprimant. Mais c'est pas ça que je voulais. C'est pas là. Alors je suis navré. Parce que vous êtes auteur, compositeur, interprète. Là, ce qu'on vient d'écouter, c'est de vous. Oui, ouais, ouais. Tout ce que vous jouez sur les albums, c'est de vous. Quasi. J'ai dû faire 3 reprises sur toute ma discographie. Mm-hmm. Voilà, j'ai fait le 2. Le titre avec Mel, Ah, Mel, c'est de moi, Hôtel Pourri. D'accord. J'ai fait. On n'a pas de nouvelles, je crois qu'elle est partie au Canada. Voilà. Il était avec les Caribous. Elle chante plus. Je sais pas du tout. Je peux pas vous dire. Donc, franchement, je sais pas du tout. Mais c'est pas grave. Non. Qu'est-ce que je voulais dire? Ferré et Marianne Oswald. Marianne Oswald, j'ai repris. Voilà. D'accord. C'est tout. C'est sur quel album? Ferré sur À Choisir et Cinéma, et Marianne Oswald, je crois que c'est sur À Choisir. Voilà. J'ai compté, il y avait avec les EP et les albums, ça fait quoi, 8 galettes? Ah ouais, il y en a quand même, il y en a. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des personnes autour de vous qui vous disent « moi j'ai les 8 » Moi je sais pas, mais moi ça me gênerait. Ah ouais? Ça me gênerait, ouais. C'est quelqu'un qui vous suit. Déjà donc, quand on me dit « waouh », c'est compliqué quand on vous complimente sur vos écrits, sur vos musiques et sur votre interprétation. C'est hyper compliqué. On est touché, on est ému, mais qu'est-ce qu'on peut répondre? Merci. Comme un con, on répond merci. Voilà. Parce qu'il n'y a rien d'autre à dire, et c'est déjà adorable que des gens qu'on écrive des choses et qui parlent à certaines personnes. Qui marquent les gens. Ouais. Ah ouais. Oh. C'est impressionnant des fois. Et vous marquez aussi des groupes, parce que vous êtes sur scène de temps en temps avec Moko, qu'on a reçu à la radio dans Talent d'ici, non? Mais je fais une petite apparition comme ça, une très gentillette. On vient dans un festival, on vous voit sur scène, c'est normal. Ben c'est rigolo, c'est fun, c'est tout. C'est eux qui vous contactent, qui vous disent... Ouais, non, mais oui. Ils m'ont demandé, moi j'ai dit ok, ça peut être drôle. Ouais, ouais. Mmh. Oui, oui, non, c'est fun, mais c'est très, très furtif comme moment. Hein. Il y a 3 minutes 30, 4 minutes, et puis après, hop, je fais que te passer. Et j'en veux pas plus. C'est pas plus mal. Je suis pas... C'est bien. Avant d'écouter le troisième titre, on rappellera les dates. Tout est paré pour la rentrée. Hein. Il y a des, d'ailleurs, même l'émission était déjà programmée dans les dates à venir. Donc, mm-hmm. Votre axe de discussion sur le dernier album, vous allez partir dans l'album qui va sortir. C'est quoi le... Au risque de me répéter, je vais traiter de l'humain. Ouais. Une fois, c'est pas, je sais pas faire grand chose d'autre. En fin de compte, si là, par exemple, la vie du train. Je me suis inspiré d'un roman mmh. que j'ai adoré et j'en ai fait une histoire, La fille du train. D'accord. C'est une Anglaise qui a écrit ça et qui est, le roman est absolument génial, le personnage est, mmh. est vraiment très contemporain, il est superbe ce personnage là, superbe de comment de maladresse, superbe de comment de d'humanité, mmh. de désespoir. Il a vraiment toutes les constituants de comment d'un beau personnage, et il m'a inspiré pour une chanson très courte quoi, mais ça voilà quoi, ce genre de choses, autrement l'humain, ouais, ou alors certains événements. Ouais. Ce qui me plaît, c'est que c'est très imagé quand vous écrivez. On a vraiment le sentiment d'être parti, transporté dans une petite histoire. Ouais, c'est ça. Ouais, et ben je m'en rends pas compte, mais là, je viens de réécouter La fille du train, ça faisait longtemps. Et je me dis, waouh, c'est vrai. Là, je suis. Voilà. C'est marrant. Moi, j'aime bien l'effet que ça procure. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est plutôt pas mal. S'il n'y a pas de. J'ai pas l'impression que ce soit plat. Le roman de Louisville, ça serait possible ou pas? Un roman? Ouvrage de 360 pages. Oui, alors le jour où je me dis, tu es capable de le faire, peut-être. Mais à l'heure actuelle. J'ai beau bouffer de la littérature. Essayé? Non, d'accord. J'ai pas encore essayé parce que il faut savoir que je suis très inconstant dans mes concentrations et dans mes projets. Et c'est pour ça que j'ai besoin de sauter de tas de projets différents, à d'autres projets, tac, tac, tac. Il faut que ça grésille. Faut que ça grésille dans ma petite tête, faut que ça court-circuite, voilà. Et un roman, c'est vraiment une astreinte. Sur le moyen terme. Ou des nouvelles? Peut-être des nouvelles. Mais est-ce que j'ai l'imagination aussi fertile que ça? Je pense pas. Moi, je pense. Mais c'est gentil. C'est gentil. Mais franchement, jusqu'à présent, je me suis pas senti capable. Voilà. Alors, peut-être qu'un jour, je vais lâcher une histoire. Et puis que je deviendrai Goncourt, Pulitzer, je sais pas. Mais non, pas jusque là, mais c'est obligatoire. Vous... C'est obligatoire. Ah ben c'était une chanson de Bachon comme ça qui partait. C'était Aval. Je sais pas si vous vous souvenez de la chanson Aval. Donc, passons au troisième extrait. On enlève le donc au montage. C'est normal que je ne me souvienne plus. Ça s'appelle Je ne me souviens plus. Ça fait chier, je perds tout, je retrouve rien. Je suis comme un gamin qui cherche sa montre ou son chien. Je sais plus qui je suis. Qui je suis. J'ai beau imaginer des choses, faire de longues pauses, ranger bien mes papiers dans de très beaux casiers. Je sais plus qui je suis. J'ai marché dans les rues, je me suis dit où sommes-t-on? Je me souvenais plus et je marchais pieds nus. Mais où je suis? Où je suis? J'ai cherché ma maison et je me souvenais d'un arbre au-dessous duquel je m'allongeais souvent. Mais je sais plus pourquoi. Vous dites que vous fûtes mon amante, un beau soir de juillet, que les pétards claquait, nous nous étions réfugiés, mais je ne me souviens pas, ni d'où, ni de vous. J'ai même des enfants, à ce qu'on me dit souvent, de jolies têtes blondes, à qui je dois faire honte, ils ne savent plus qui je suis. Qui je suis. Avant j'avais la tête bien faite, bien ordonnée, tout était clair, tu sais, mais ça c'était avant. Que je sache plus qui je suis. Ça fait chier de sentir l'âme qui se barre, qui te laisse qu'à des miettes et qui te dit même pas où, mais où je suis. Qui je suis. Je sais même pas pourquoi je vous raconte tout ça, moi. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on s'est déjà vu? Peut-être, peut-être, mais je ne vous remets plus. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus, Louisville. Talents d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Voilà, les trois extraits qu'on vient d'écouter font partie de l'EP. Oui. Ou pas. Oui, ils font partie de l'EP, oui, et ils font partie de l'album aussi. Parce que. Ils sont retravaillés avec d'autres musiciens ou pas? Non. Là, en l'occurrence, ces trois titres-là, on les a bien choisis parce qu'ils vont pas bouger. D'accord. Je trouve que. À l'heure actuelle, je les estime. Dans la finalité. Respectable, ouais, comme ça. Il n'est pas dit que dans deux mois, je vais pas dire. Je verrai bien. Mais il faut figer les choses, il faut que c'est comme la photographie, il faut figer les instants, et notamment ces trois instants-là qu'on vient d'écouter, je les trouve assez intéressants. Est-ce qu'ils ont déjà été joués en live, ces trois titres? Pas encore. Alors, Et l'étoile, oui, d'accord. Les deux autres, non, pas encore. Comment ils sont reçus? Et l'étoile, ça fonctionne, on est dans un discours assez universel, parce qu'en fin de compte... À qui s'adresse-t-on? De qui parle-t-on? C'est relativement, vague. Mmh. Donc on peut s'approprier les choses comme on veut. Voilà. Il y a des dates de concert qui sont prévues. Alors j'ai les dates. Est-ce que vous voulez les dire ou je les dis moi-même? Mais allez-y. Alors il y a au petit... c'est mignon ça. Au petit bonheur, ça c'est du côté... Je vois plus rien moi du coup. Curtil-Vergy. Curtil-Vergy, c'est ça. Alors là, ils font du bon pinard, c'est en Bourgogne. Ah ouais. D'accord. Apparemment, on acquiesce derrière la vitre. Au petit bonheur, les violons... Ah oui, je vois plus rien, moi. Les volontaires, pardon. Je vois plus rien. Oui, c'est à Genève. Oui. Les volontaires. Oui. C'est au mois de septembre, ça. D'accord. Le Multipass aussi, en Suisse, à la Chaux du Milieu. C'est un très joli endroit, dans un cadre absolument idyllique. Mm-hmm. Fin septembre, je suis aussi à la Souris Verte à Épinal, qui est une SMAC qui est très jolie, avec des gens qui m'ont beaucoup aidé pour le travail de groupe pour ce nouvel album là. Après je fais une pause parce que j'ai des choses à faire. Au mois de novembre je reviens pour je joue à Gap, à Rompon, je joue à Nilvange aussi. L'année prochaine je suis dans le sud-ouest, je suis du côté de la région aussi et je suis du côté de l'Allemagne aussi. Je fais une tournée là-bas. Il y a des dates que vous avez déjà faites, dans le sens où c'est déjà des endroits où vous êtes allé déjà. Il y a quelques endroits dans lesquels j'ai déjà joué. Ouais. Des endroits que j'aime beaucoup. Sinon, j'y reviens pas. Bah oui, tout à fait. Non, vraiment, il y a des gens. C'est surtout les humains qui tiennent les endroits. Toujours qui... le rapport à l'humain. Bah, moi, ça me semble essentiel. Mmh. J'ai pas envie de me faire chier un rapport marchand avec des gens. Ça n'a jamais été ma tasse de thé. Je fonctionne qu'à ça, corrélationnel humain et à ce que je décèle la personne qui est en face de moi. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça me perdra. Je suis insensible. Insensible en un seul mot ou en deux mots? Un grand sensible. Un grand sensible. Voilà. Un grand sensible. Il y aura forcément d'autres dates. Oui, il y a un site magnifique à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Eh ben, louis-ville.fr, c'est le site sur lequel il y a toutes les infos. Il y a des jolies photos, il y a toute la presse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi je crois qu'il y a une page qui est dédiée à la musique à l'image, des musiques que je fais pour les docs et tout ça. Et il y a plein d'autres choses aussi. J'ai fait aussi un petit recueil de poésie que je vends encore parce qu'il n'est pas épuisé. Donc, voilà, on y revient. Non, ça n'a rien à voir avec un roman. Non, j'ai pas dit que c'était un roman. C'est tellement facile. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Louisville. C'est tellement facile d'écrire une page de poésie. Enfin, c'est pas. Non, mais on n'est pas loin de la nouvelle. La petite nouvelle. Hein. La petite nouvelle. Je t'appelle pour... Et j'ai raccroché. Voilà. Mais non, mais c'est... Voilà, il y a plein de choses sur ce site-là. Et c'est vraiment... Et en plus, il est mis à jour quasi quotidiennement. Je crois qu'il y a des images de films dans lesquels vous êtes sur YouTube, non? Il n'y a pas des clips qui ont été tournés, vous êtes dedans? Ah oui, mais j'ai quand même du mal avec mon image. Hein. Oh. Ouais, pourquoi tous des problèmes, je sais pas du tout pourquoi. Bah, c'est vrai qu'en général, on est chacun concerné par... Il m'a fallu des années avant de me dire « Ouais, ça va, ta voix, elle est pas trop moche. » Mais il m'a fallu des années, je la détestais. C'est normal, on est comme on est trop con de toute façon. Et on n'écoute que soi dans ces cas-là. Mais ma tronche, j'ai toujours du mal. Voilà. Et qu'est-ce qui a changé pour que vous la montriez, votre tronche? Mais je la monte pas beaucoup. Hein. Alors là, je suis assez économe. Là. Bah, sauf que là, on va vous filmer pendant que vous chantez en live. Si oui, mais on va me filmer. Voilà, mais je fais pas attention. Et je sais que quand je monte sur scène, on me filme ou on me photographie. Et il se passe des tas de choses. Il y a des tas d'images volées comme ça. Et si j'étais africain, j'ai l'impression que je perdrais beaucoup de vie, quoi. Beaucoup de journées de vie à cause de ces photos-là. Mais c'est pas grave, mais après ça va en pâture sur la toile et puis c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Mais on s'appartient pas. À partir du moment où on décide de monter sur scène, de toute façon c'est soit pour régler un problème d'ego ou un problème de thérapie psychiatrique. Et puis à partir de ce moment-là, on s'expose. Pour être en paix avec soi-même aussi. On s'expose. Et moi j'y vais par plaisir. Bah oui. C'est un plaisir sans nom. Même si j'ai peur avant de monter sur scène, c'est toujours un plaisir. On va s'écouter. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Mais je vous en prie, excusez-moi. Soviet Suprême. Ouais, je les ai vus en concert au Festival East Summer cet été et j'ai trouvé que leur show était super bien fait. Ils enchaînent du Balkan, Europe de l'Est, des choses comme ça, avec du rap. Et c'est rare quand je souligne que les textes même de rap sont super bien faits, sont super bien écrits, sont intelligents. C'est tellement rare que voilà, je tenais à le dire. Par contre, le titre qu'on va écouter, c'est pas du tout du rap et c'est pas ils sont pas cassés le trognon, mais c'est super bien fait. Vous écoutez Talent d'ici, le talent d'ici de Louisville avec Soviet Suprême, Vladimir. Nicolas, Yaroslav, Saint-Daniel, Vassili, Vladimir, Dimitri, Olga, Igor, Fedor, Ivan, Yuri, Tsar Boris, Irina, Mikhail, Ladislas, Alexei, Simeon, Pyotr, Alexander, Katerina, Vladimir, Vladimir, Vladimir, Vladimir, Vladimir. Vladimir, Ulyanov, Lavrenti Beria, Josef Stalin, Vyacheslav, Molotov, Nikita, Khrushchev, Mikhail, Gorbachev, Leonid Boris, Nikita, Yuri, Vladimir, Vladimir, Vladimir Adi, Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Adi. Vladimir Nikita i Boris, Dmitri, Vladimir, Vladimir, Dmitri, Vladimir, Dmitri, Dmitri, Vladimir, Vladimir, Vladimir, Vladimir, Vlado, Vladimir, Vladimir, Vladimir. Soviet Suprême avec Vladimir, c'était le choix de Louisville pour son émission à lui, la première de la saison numéro 9. Un message concernant les musiciens qui vous entourent, parce que là on va vous écouter en live tout seul à la guitare. Oui. Ouais. C'est toujours les mêmes musiciens que sur les EP ou albums précédents, pas du tout. Non. Pourquoi ? Non. Il n'y a pas d'humain avec les musiciens ? Là, en l'occurrence, j'ai rencontré des beaux humains, mais des fois, c'est compliqué, l'humain. Hein. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais des fois, c'est compliqué. C'est tout. Et voilà. Il y a des gens qui ont une énorme qualité musicale, et puis humainement, c'est comme ça. C'est pas grave. Là, je suis accompagné de Roxane Boileau à la batterie, qui est aussi batteuse de Monco. Oui. Et de Louis Morand, qui est un petit jeune, mais très très grand, violoncelliste, qui joue bien quand même. Je crois qu'il va faire de belles choses. Donc violoncelle et... Et batterie. D'accord. Et peut-être boucle. Non, je pense qu'il y aura quelques boucles. Voilà. C'est tout. Et guitare chant, bien évidemment. Ouais. Moi, je reviens sur une date, parce qu'on n'a pas cité tout à l'heure, parce que là, c'est très simple d'y aller, c'est la médiathèque de Toul. En mars 2020. Oui. Là, vous serez tout seul. Je pense que je serai tout seul. Bah ouais, parce que c'est. Oui. C'est plutôt intimiste. Ce sont des lieux intimistes. Et puis, moi, j'aime bien jouer tout seul aussi. Hein. Franchement, c'est quand même. C'est un autre rapport. Un rapport plus physique et je dirais plus sensuel. Pas sensuel, oui. Sexuel, sensuel. Avec la musique, avec le. Avec le. Comment le. Les vibrations. C'est complètement différent. Et j'aime beaucoup aussi. Cet exercice-là. Comment vous le sentez, votre groupe, vos fans, vos spectateurs quand ils viennent vous voir, vous sentez qu'ils sont comment ? Ils sont transportés, ils viennent vous le dire en général, oui. J'ai vraiment des jolis témoignages. Oui. Parce que moi, j'ai une musique qui s'écoute. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas non plus pour, on n'est pas Vladimir, hein. On n'est pas là pour bougoter, quoi. Ce que je veux dire, on est là pour. Pour partager un moment d'intimité, et il est vrai que c'est le rapport peut être compliqué pour des gens qui ont envie de faire la teuf et tout ça, mais en général, quand je commence, les gens acceptent cette intimité qui se crée entre eux et nous, et acceptent le petit voyage que je leur propose. Voilà. Mais ça se passe super bien. J'ai rien à dire. J'ai un public qui, à chaque fois, est un public hyper attentif et généreux aussi, généreux. Donc, franchement, je ne peux pas rêver mieux. La générosité attire la générosité. Je crois. Ouais. Oui, parce qu'en fin de compte, j'ai pas de retenue. Moi, je n'économise rien. Je suis là pour voyager avec eux. Et donc, voilà. On s'offre des choses mutuellement. Je trouve ça très bien. Si on passait au live, ça serait une bonne idée. Là, on aura l'occasion d'écouter que deux titres. Là, ce sont aussi des titres qu'on découvre dans l'album qui va sortir en automne. Oui. J'arrive pas à le cracher. Donc c'est en automne. Effectivement, l'automne est compliqué dans nos régions. Oh là là, oui. Il fait 43 degrés, enfin, c'est terrible. Donc ça fait partie de cet album-là. On peut rappeler le nom de l'album ? On ne sait pas encore, d'accord. On peut rappeler quand est-ce qu'il sort ? On ne sait pas encore. Donc... Si, il sort à l'automne, fin septembre, début octobre, oui. D'accord. Je pense que là, c'est un timing à peu près précis. Quant au nom, je crois que... Il n'y aura peut-être pas de nom ? Ce sera peut-être un Louisville, un éponyme, comme ça, je n'ai jamais fait, donc pourquoi pas ? Ben voilà. Pourquoi pas ? Comme ça, je vais combler mon manque d'inspiration par une forme de nombrilisme exagéré. Primaire. Ça s'appelle « Qu'est-ce que tu me trouves ?» On revient sur l'image. Hein, tout à l'heure, on parlait de l'image. Ça, c'est les rapports. C'est-à-dire que ça peut s'adresser à des tas de gens. Au départ, c'était pour la personne que j'aime. Quand on voit des gens s'investir dans l'humain, dans le relationnel, avec autant de passion et autant d'empathie, et que nous, on se voit tel qu'on est, se dire, bon, voilà, c'est pas, on n'est pas Mère Teresa. Hein, voilà ce que je veux dire, on est ce qu'on est. On peut se poser la question de oui, qu'est-ce que tu me trouves ? Tu me montres de toi des choses tellement belles, tellement généreuses, tellement humaines et charitables, et puis et moi, qu'est-ce que tu me trouves ? Mm-hmm. Voilà comment ça se fait que tu... ça peut s'appliquer à n'importe qui. Hein. Moi, je trouve que plus vous venez dans l'émission, plus vous vous exposez, plus vous parlez de vous, et c'est un pur bonheur que de vous écouter parler. Merci. Oui. Merci. Installez-vous, musique et vidéo, puisque ce sera sur la page d'ici Louisville, dans le Talendis. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talendis. Tu illumines, tu irradies, les pièces noires, même les taudis. Chauffe les cœurs brisés, des caresses analysées, sans même demander un mot. Une place près du bras zéro. Les soldats en parachute, les lesbiennes, les gays, les putes, trouvent tous grâce à tes yeux bleus s'illuminent. Tu arpentes les couloirs de toutes ces vies sans miroir, de ces phénomènes de foire. Et tu souffles le vent d'espoir. Et si un genou tu poses, à vouloir juste faire une pause, l'élastique de tes vies te relève et toi tu ris. Qu'est-ce que tu me trouves, dis. Qu'est-ce que tu me trouves, dis. Qu'est-ce que tu me trouves, dis. Qu'est-ce que tu me trouves, dis. Qui ont fait ce que tu es, qui me plaisent et que je sais. Les archanges sont des femmes, tu es le fond et la lame, et j'entends toutes ces âmes qui t'appellent et te réclament. Et tu cours, tu franchis les rivières, et l'amour semble t'avoir choisi. Tu es né des eaux du Gange, parmi tous ces anges. Qu'est-ce que tu me trouves, dis. Qu'est-ce que tu me trouves, dis. Qu'est-ce que tu me trouves, dis. Qu'est-ce que tu me trouves, dis. Qu'est-ce que tu me trouves, dis, qu'est-ce que tu me trouves, dis. Talent d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Je me ravance, voilà, c'est en direct le Qu'est-ce que tu me trouves, chanson interprétée par Louisville, qui fera partie de l'album qu'il faut déjà, pourquoi pas, programmer pour cet automne si on veut l'avoir pour le sapin de Noël. Non, c'est pas bête ça. Ah, c'est un joli cadeau de Noël. Hein. Bah oui. J'offre pas les boules, mais c'est un joli cadeau de Noël. Vous les gardez pour vous, les boules? Ah, tout à fait. On en veut pas. Hein, non, moi non plus, j'en veux plus, mais je les garde, je suis obligé de toute façon. Ça peut servir. À mon âge, non, c'est bon. Ah bon, elles sont déjà en retraite? Ah, mais non, mais moi j'ai envie qu'elles soient en retraite, moi. Alors, si, voilà, quoi. Et puis on va pas parler d'esthétique non plus, hein, faut pas déconner, quoi. C'est pas... Non, c'est pas très esthétique, les boules. Non. Sauf celles qui sont bien décorées. Ah, ça, ce sont les boules de Meisenthal, je fais de la publicité régionale, elles sont très très jolies. Mais par contre, celles que je propose, je préfère pas. Elles sont périmées? Elles sont pas périmées, mais bon, franchement, elles sont... Mais c'est pas beau, c'est tout. Non, c'est... Un mec nu, c'est pas beau. Les animaux, il y a des animaux qui sont magnifiques. Nous, franchement, humains, on... C'est vrai qu'on voit pas beaucoup les boules des animaux. On est passable, nous, on est très passable. Je parlais pas des boules des animaux, mais il y a des animaux qui sont... On se dit, mais qu'est-ce que c'est ce miracle de la nature? Pourquoi sont-ils aussi beaux que ça? Et nous, on n'est pas... On est passable, voilà. Très bien. Oui, je sais. Vous demandez à Darwin pourquoi. Darwin. Darwin, si tu m'entends, vas-y, réponds. 3615 Darwin. Deuxième titre, c'est lequel? Attends, je suis rendu à l'interprète. Ça y est, ça se marre de l'autre côté. J'ai un deuxième titre, moi, ça s'appelle Combien de lunes. De lunes. Ah, mais c'est pas un morceau gay, ça va être difficile, mais je vais y arriver. Ça parle de foi, la chanson. L'attente. C'est mieux l'attente que le produit fini ou... Je sais pas. Moi, je sais pas ce qui m'a inspiré cette chanson-là. Enfin, toujours se dit que je la trouve pas mal. Je me souviens plus. Tant qu'à faire, c'est la vôtre. Je me souviens plus de ce qui a initié ce texte-là. Peut-être que j'attendais ma femme, mais elle ne venait pas. Je dis, ah, j'en sais rien. Je peux pas vous dire. Bah, elle est jamais revenue. Si, elle est là. Monsieur, elle est revenue. Je sais que je suis quand même pas facile. La pomponnette, elle est revenue. Pomponnette. Non, mais oui, je suis pas facile comme gars, mais quand même. On m'aime bien, quand même. Allez, combien de lunes interprétées par Louisville, voilà. Deuxième titre en live. Espérer. de mers asséchés. Combien de rues, de rues hantées, par ton image à t'espérer, combien de roses trop fanées, combien de lunes à t'espérer. J'y ai cru, mais je n'ai pas eu mon clin d'œil. C'est terrible. Ah mais non, mais non, mais non, c'est un peu forcé quand même. C'est limite plus de funeste dans cette affaire. Magnifique chanson. Merci. Superbe à découvrir, à écouter. Je rappelle que les vidéos sont sur la page Talent d'ici dans quelques jours, le temps de faire le montage. Bonjour. Bonjour. Bonjour les vidéos. J'ai une question à vous poser par rapport à ce qu'on disait en début d'émission. Vous l'aimez votre voix? Bah maintenant, je m'y suis fait. Le truc est là, quoi. On s'y fait à savoir. On voudrait, mais on est con, hein, parce qu'on voudrait toujours avoir l'avant-dernière outre. Mais au bout d'un moment, quand on vous dit que bah, votre voix elle est pas mal, et qu'elle parle, qu'elle touche au fond de l'âme des gens, voilà, on commence à se dire, oui, bah, ils ont peut-être pas tort. Mais on a toujours la réticence à imaginer que c'est possible. C'est normal, c'est normal. Parce que moi, j'ai fait un appel cette semaine par téléphone. On m'a dit bonjour, madame. Jouable ? Ouais, mais ils t'ont pris pour Macha Béranger. Macha Béranger avec une voix. C'était un moment particulier. C'était la troisième fois. J'espère que c'est pas la dernière. Louis, merci pour ce passage dans Talent d'ici. C'est moi qui vous remercie beaucoup. L'émission est podcastée dans le monde entier, donc peut-être qu'il y aura un Vietnamien qui écoutera l'émission. Mais je ne sais pas dire bonjour en vietnamien. Ah bah vous allez apprendre. Sayonara, c'est tout ce que je sais. Dire. C'est en japonais ça. Ouais, c'est du japonais, mais c'est déjà pas mal. Hmm? Il a qu'à apprendre le japonais aussi, moi je veux bien. Non, il a qu'à apprendre le français. Hello, everybody. La musique est là, la musique est là, la musique est là. Ça veut dire que c'est la fin. Louis, à bientôt sur les routes. À bientôt, merci à vous. Et on espère vous retrouver très très vite, pas uniquement dans nos studios, mais à Nancy ou ailleurs pour les concerts qui sont sur la page et surtout sur la page Facebook et également sur le site Louisville. Merci Louis. Au revoir. À bientôt. Ciao, c'était Talent d'ici. You can blow with this, or you can blow with that. You can blow with this, or you can blow with this.